Selon une information, le 14 courant, les formations sud-coréennes de lutte contre la disposition du SAD, comme l'Action nationale contre la disposition du SAD, constituée de plus de 100 formations civiles et sociales, notamment le comité de lutte de Songju contre la disposition du SAD et le comité de mesure des citadins de Kimchon contre la disposition du SAD, ont organisé la première conférence de presse commune devant le Parlement et ont proclamé que la lutte continuera toujours jusqu'au jour du retrait du SAD américain.